radiateur. Florian, astique bien le four. Florian, et fais-moi l'amour. Sors le chien, le chat. Florian, lave un peu en bas. Florian, moi je vais partir. Florian, n'oublie pas de sourire. Mais c'est comme ça chez moi. Tout le ménage est pour moi. Mais depuis Berlin, il n'y a que toi. Tony, prends-moi dans tes bras. Stop les compliments. Florian, va te laver les dents. Florian, je te ferai peut-être l'amour. Florian, si t'as lavé la cour, lave mes cheveux sales. Florian, mets mes fringues sales. Florian, si t'as fait mon lit. Florian, je t'attends dedans, chérie. La la.